Si vous voulez dire en allemand « je veux que vous le lui disiez », vous pouvez suivre l'ordre des mots du français. Voyons, comment diriez-vous « je veux que vous le lui disiez » ? « Lui » ici correspond à « à lui ». « Je veux que vous le disiez à lui » et se dit « ihm ». « Ihm » qui s'écrit « ihm ». « Ihm ». Mais commençons par « vous le lui dites ». Vous le dites à lui. Comment dit-on ça? Sie sagen es ihm. Sie sagen es ihm. Très bien. Nous n'avons plus qu'à introduire « je veux que » et « ich will das ». Ich will das. Je veux que vous le lui disiez. Avec das, comme avec weil, le verbe est rejeté à la fin de la phrase. Donc que vous le lui disiez, dass sie, le lui disiez, dass sie es ihm sagen. Bien, ich will, dass sie es ihm sagen. Comment diriez-vous, dites-lui qu'il doit m'appeler? Sagen sie ihm. Bien, sagen sie ihm qu'il doit m'appeler? Dass er mir. Ici, ce n'est pas « à moi » qui est sous-entendu. « Dass er mich »« mich »« rufen soll ».« Appeler » est en fait employé ici dans le sens de « appeler au téléphone ».« Appeler notre amie Anne », donc « anrufen soll ».« Anrufen soll », oui. Reprenons. Dites-lui qu'il doit m'appeler. « Sagen Sie ihm » Bien, « sagen Sie ihm » qu'il doit m'appeler. Dass er mich anrufen soll. Bien. Sagen Sie ihm, dass er mich anrufen soll. Comment diriez-vous, je lui ai dit qu'il doit m'appeler? Ich habe ihm gesagt, dass qu'il doit m'appeler? Er mich anrufen sollen. Sollt. C'est soll. Santé. Car sollen est un verbe portemanteau. Ich soll, er soll, es soll. Pour je lui ai dit qu'il doit m'appeler, on dira donc ich habe ihm gesagt, dass er mich anrufen soll.